Yesterday, I talked about urgency, sanwega, the unease feeling within us. So two yogis today expressed their appreciation, listening to the urgency. So I also feel happy. Sometimes we practice meditation diligently. We have energy, physical energy, and mental energy. When we are able to be mindful on present object. Not all the times we have mental and physical energy. Sometimes we also lost the energy. Hier, je vous ai parlé de Samvega, le sentiment d'urgence. Cette espèce de malaise qui se manifeste en nous. Deux yogis ont exprimé aujourd'hui qu'ils avaient apprécié cet enseignement, et j'en suis fort heureux. Parfois, nous réussissons à pratiquer la méditation vipassana de façon diligente. Nous avons beaucoup d'énergie physique et mentale. Nous sommes capables d'observer les objets qui se manifestent à chaque instant. Mais ceci ne sera pas toujours le cas. Parfois, nous manquons d'énergie. Si nous ne réussissons pas à être attentifs, si nous n'arrivons pas à observer les objets dans l'instant présent, la confiance va diminuer, et avec elle, l'énergie, surtout l'énergie mentale. Si nous perdons notre énergie mentale, que nous perdons confiance, il faut alors que nous réfléchissions à Samvega. Je vous ai expliqué en quoi consiste ce sentiment d'urgence Samvega, et je l'ai fait de façon générale. Je ne suis pas entrée dans les détails, mais j'ai suffisamment expliqué pour que le yogi comprenne que lorsque son énergie faiblit, il doit réfléchir à Samvega. Il doit comprendre quelles sont les conditions de la vie. Par vipassana, le méditant expérimente directement ces conditions. Il voit qu'à chaque instant, tout change à l'intérieur de lui. Lorsqu'il observe le mouvement de soulèvement de l'abdomen, il voit que ce mouvement n'est pas continu, qu'à chaque instant, il y a un autre petit mouvement. Les yogis l'expriment chacun à leur façon. Parfois, ils parlent de segments. Parfois, ils disent que c'est irrégulier. C'est la même chose pour le mouvement de soulèvement de l'abdomen. Le yogi qui pratique vipassana est capable de voir que ce mouvement est en réalité constitué d'une suite de très petits mouvements qui se succèdent. Au moment de la marche, il observe attentivement les phases du pas et peut voir que les mouvements sont également constitués d'une suite de petits mouvements qui se succèdent. Dans les activités quotidiennes également, le méditant réalise le changement. Il ne le formule peut-être pas de cette façon à l'entretien, mais il l'a expérimenté. Il a expérimenté le changement. En fait, tous ces changements, c'est le processus du vieillissement. Ce sont les apparitions et disparitions. Le méditant est donc capable de voir qu'à chaque instant, il vieillit. Il comprend ainsi dukkha, la souffrance. Il comprend expérimentalement qu'il n'y a en lui qu'une succession de naissances et de morts. Le yogi qui pratique vipassana voit donc clairement par lui-même. Mais s'il ne pratique pas vipassana et qu'il ne comprend donc pas expérimentalement ces choses, il doit réfléchir à la vieillesse, à la maladie et à la mort. De cette façon, il va faire surgir en lui ce malaise. Et Samvega va se manifester, le sentiment d'urgence. S'il réussit à faire surgir ce sentiment d'urgence, Il aura de nouveau de l'énergie, et surtout l'énergie mentale. Il aura le courage de faire un effort, car il comprendra qu'en ce moment, il se trouve dans les conditions pour pouvoir pratiquer et se libérer du samsara, du cycle des renaissances. Il comprendra que s'il ne réussit pas à développer la compréhension, il ne sera pas possible pour lui d'échapper à la souffrance. De cette façon, il aura de nouveau de l'énergie. Après vous avoir parlé de Samvega, je voudrais maintenant vous parler des devoirs urgents que le Bouddha nous enseigne. Le Bouddha utilise une métaphore. Il compare le yogi aux fermiers, des fermiers en Asie. Le devoir du fermier, c'est de commencer par labourer son champ. Il doit le faire immédiatement, très rapidement, de façon urgente, dès que la pluie se manifeste. Car si le champ est inondé, il ne pourra plus travailler. Ce travail est donc urgent. Lorsqu'il aura labouré son champ, il faudra ensuite qu'il sème les graines. De nouveau, il devra s'y prendre intelligemment, car s'il y a trop d'eau, il ne sera pas possible de semer les graines. S'il y a trop peu d'eau, il faudra arroser. Tout ceci, c'est donc le travail du fermier. Après avoir fait donc ces trois devoirs, le fermier doit tout simplement attendre. Il faut du temps pour que tout cela se mette en place. Le fermier n'a pas le pouvoir de faire pousser ses graines ce jour-là, d'avoir les fruits le lendemain et de voir les fruits mûrir le surlendemain. Il faut qu'il attende. C'est la même chose pour le yogi. Le Bouddha s'adresse donc au bhikkhu ou au yogi et lui explique qu'il a trois devoirs urgents. Ces trois devoirs urgents du yogi ou du bhikkhu sont donc tout d'abord l'entraînement à la moralité supérieure, Adisila Sika, ensuite l'entraînement à élever son esprit, Adistika Sika, et troisièmement l'entraînement à la sagesse supérieure, Adipanya Sika. Les yogis ici pratiquent donc ces trois entraînements. Adi Sila Sika, Adi Chitta Sika et Adi Panya Sika. Le premier, Adi Sila Sika, ce sont les préceptes moraux. Les yogis prennent les préceptes moraux et il leur est demandé d'essayer de ne pas les rompre, de les maintenir purs. Ils pratiquent ensuite la méditation en suivant les instructions du Bouddha. Comme vous le savez, nos esprits sont toujours encombrés par les kilesas ou les asavas, comme nous en avons déjà parlé, les purulences. Le yogi devra donc s'efforcer de ne pas laisser pénétrer dans son esprit ces asavas. Il devra garder les 6 portes sensorielles. C'est Adi Chitta Sika. Et enfin, il devra s'entraîner à Adi Panya Sika, la sagesse supérieure. Les connaissances vipassana. Le yogi travaille donc et s'entraîne à ces trois choses. En fait, le deuxième entraînement, Adi Chitta Sika, c'est la concentration, l'entraînement à la concentration. Ces trois entraînements sont reliés entre eux. S'il n'y a pas le premier, Adi Sila Sika, il ne sera pas possible d'avoir le deuxième, Adi Chitta Sika. Et s'il n'y a pas le deuxième, il ne sera pas possible d'avoir le troisième, la sagesse supérieure. On ne sera pas capable, par exemple, de faire la différence entre l'esprit et la matière. Nous devons donc nous efforcer de développer ces trois qualités, de pratiquer ces trois entraînements. Il ne s'agit donc pas de pouvoirs supranormaux qui nous permettraient de dire « Aujourd'hui, je désire avoir ceci, demain, je désire avoir la concentration, après-demain, je désire avoir la sagesse. » Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il s'agit ici essentiellement d'une pratique. Nous devons pratiquer de façon diligente, comme nous le demande le Bouddha. Nous devons faire preuve d'énergie et fournir un gros effort. Il y a deux jours, je vous ai parlé de trois qualités que le yogi devait avoir s'il voulait s'assurer le bonheur et la paix dans la vie, un bonheur physique et mental. Est-ce que les yogis se souviennent encore de ces trois qualités? C'est très difficile de se souvenir de l'enseignement du Bouddha. Vous avez sans doute oublié parce que vous n'étudiez pas ces choses comme le font les moines. Mais même les moines, qui doivent donc mémoriser tout cela le soir après avoir entendu l'exposé la journée, il leur arrive bien souvent d'oublier. Donc ces trois qualités sont tout d'abord le fait de bien garder les six portes sensorielles. La deuxième qualité, c'est savoir manger avec modération. Et la troisième, c'est se montrer toujours vigilant avec dévotion. Nous devons comprendre que nos esprits sont pollués par les kilesas, les impuretés comme la colère, l'attachement, l'avidité, etc. Le but de Vipassana, c'est de se débarrasser de ces kilesas. Comme vous le savez, il faut donc que nous nous efforcions d'éliminer de notre esprit les impuretés, les asavas, sans quoi il ne sera pas possible d'atteindre l'illumination. Lorsqu'on pratique donc les trois entraînements dont il vient d'être question, l'entraînement à la moralité, l'entraînement à la concentration et l'entraînement à la sagesse, il faut se souvenir que, comme le fermier, il ne sera pas possible d'obtenir ces choses par un pouvoir supranormal. Il n'est pas possible de prier, par exemple, et de dire « Puissais-je demain avoir l'entraînement à la concentration ? Puissais-je après-demain avoir la sagesse ?» etc. Ceci n'est pas possible. La seule chose que nous devons avoir, c'est de la volonté « chanda ». Chanda doit être très forte. Si chanda n'est pas très forte, il ne sera pas possible d'éliminer les asavas. Nous devons donc comprendre que la seule chose dont nous avons besoin, c'est chanda, la volonté. Nous devrons donc pratiquer l'entraînement à la moralité et faire preuve d'une forte détermination, d'une forte volonté, chanda. Si nous avons une forte chanda, nous garderons bien les préceptes moraux. Nous serons très attentifs à ne pas les rompre. Mais si chanda est faible, ce ne sera pas facile de maintenir les préceptes purs. Donc, pour s'entraîner à la moralité supérieure, il faut chanda. Le deuxième entraînement, qui consiste à pratiquer la concentration, nécessite également que chanda soit développé. Il faut avoir une forte chanda pour développer l'esprit. Nous devrons essayer, nous efforcer d'être attentifs sans interruption à tout ce qui se manifeste par les six portes sensorielles. Si chanda est forte, nous réussirons à bien garder les portes sensorielles. Mais si chanda est faible, lorsque les kinesas pénétreront dans notre esprit, nous n'en serons même pas conscients. L'esprit, nous ne saurons rien, nous ne comprendrons rien, ni au soulèvement de l'abdomen, ni à l'abaissement de l'abdomen. Nos esprits seront tout à fait ignorants. Si l'esprit n'est pas concentré, si l'esprit n'est pas pur, si l'esprit n'est pas fixé sur l'objet présent, il est ailleurs, il est ignorant. Si l'esprit n'est pas fixé sur l'objet présent, nous ne comprendrons pas l'enseignement du Bouddha, nous ne comprendrons pas l'esprit et la matière, nous ne comprendrons pas les éléments, nous ne comprendrons pas les khandas, nous ne comprendrons rien. Si par contre l'esprit est fixé sur le moment présent, nous réussirons à comprendre. Par exemple, lorsque l'esprit est fixé sur les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, il expérimente un mouvement vers le haut, il expérimente un mouvement vers le bas. Parfois, le yogi explique qu'il a ressenti des segments. Tout ceci, c'est comprendre clairement. Lorsqu'il pratique la marche, le yogi expérimente également toutes sortes de choses. Il comprend les sensations désagréables, les douleurs, il les voit apparaître et disparaître. Tout ceci, c'est la compréhension. Lorsque donc l'attention est présente, la compréhension se manifeste. Le yogi comprend clairement. C'est l'entraînement à la compréhension, à la sagesse supérieure. Si donc nous avons Samvega, le sentiment d'urgence, et que nous appliquons les trois devoirs dont le Bouddha a parlé, les trois devoirs urgents, nous comprendrons le noble octuple sentier. Le noble octuple sentier, c'est l'une des quatre nobles vérités. Comme vous le savez, il y a quatre nobles vérités. La première, c'est Dukkha Saccha, la noble vérité de la souffrance. La deuxième, Samudaya Saccha, la noble vérité de l'origine de la souffrance. La troisième, Nirodha Saccha, la noble vérité de la cessation de la souffrance. Et la quatrième, Magga Saccha, la noble vérité de la pratique, du chemin qui mène à la cessation de la souffrance. C'est le noble octuple sentier. Maintenant, pour que vos esprits restent bien alertes, s'il vous plaît, répétez après moi en pali les quatre nobles vérités. Dukkha Saccha, la vérité de la souffrance. Dukkha Saccha, la vérité de la souffrance. Samudaya Saccha, la vérité de l'origine de la souffrance. Samudaya Saccha, la vérité de l'origine de la souffrance. Nirodha Saccha, la vérité de la cessation de la souffrance. Nirodha Saccha, la vérité de la cessation de la souffrance. Magga Saccha, la vérité de la pratique qui mène à la cessation de la souffrance. Magga Saccha, la vérité de la pratique qui mène à la cessation de la souffrance. Dukkha Saccha, la vérité de la souffrance. Dukkha Saccha, la vérité de la souffrance. Samudaya Saccha, la vérité de l'origine de la souffrance. Samudaya Saccha, la vérité de l'origine de la souffrance. Nirodha Saccha, la vérité de la cessation de la souffrance. Nirodha Saccha, la vérité de la cessation de la souffrance. Magga Saccha, la vérité de la pratique qui mène à la cessation de la souffrance. Magga Saccha, la vérité de la pratique qui mène à la cessation de la souffrance. Donc c'est de cette façon qu'on étudie la théorie et on mène parallèlement théorie et pratique, pariyatti et patipatti. Donc ce sont là les nobles vérités. C'est la noble vérité. Le noble octuple sentier est donc une de ces quatre nobles vérités. C'est la noble vérité de la pratique qui mène à la cessation de la souffrance, Magga Saccha. Si nous développons ces trois devoirs dont il a été question précédemment, le premier Adi Sila Sika, le deuxième Adi Citta Sika et le troisième Adi Panya Sika, nous avons le noble octuple sentier. Nous développons le noble octuple sentier. La première section, Sila, comprend trois facteurs, Sama Vacha, Sama Kamanta et Sama Ajiva. La parole juste, l'action juste et les moyens d'existence juste. Si vous prenez les préceptes moraux, vous avez ces trois facteurs en vous. Si nous n'entraînons pas notre esprit par la pratique, il ne restera pas en nous, mais ne fût-ce qu'un seul instant. Tout simplement parce qu'il va se complaire dans les plaisirs sensuels, dans Kama Loka. Il aimera voir de belles choses, entendre des beaux sons, sentir de bonnes odeurs, etc. Il faut donc que nous pratiquions l'entraînement supérieur par les quatre établissements de l'attention. Pour cela, nous devrons fournir un effort physique et mental pour noter attentivement de façon précise et diligente. L'esprit va alors rester sur l'objet, va rester dans l'instant présent. Il y a donc trois facteurs, Sama, Vayama, l'effort juste. L'effort juste, c'est précisément faire cet effort d'entraîner son esprit à rester dans l'instant présent. Notre attention va alors se développer, c'est sati, et la concentration également. Au moment où on note attentivement, L'esprit reste à l'intérieur de nous, reste en nous. Si vous me dites que vous êtes capable de noter les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, cela veut dire que vous avez réussi à maintenir votre esprit dans l'instant présent. Vous avez la concentration juste. Il n'y a aucun attachement dans votre esprit au moment où vous notez ainsi ces mouvements, aucun désir, aucune colère, aucun découragement. Votre esprit est pur. Vous avez ainsi développé votre esprit. Vous avez un esprit supérieur. C'est Samadhi. Vous avez donc compris ce que veut dire l'effort juste. Vous ne restez pas dans votre lit pendant toute la nuit. Vous ne dormez que pendant la deuxième partie de la nuit. La première partie et la troisième partie de la nuit, vous les consacrez à la pratique et vous essayez de maintenir votre attention de façon diligente. Ainsi, vous remplissez ces devoirs dont parle le Bouddha et vous avez Samadhi, l'entraînement à la concentration. Pour ce qui est de la sagesse supérieure, il faudra que vous l'obteniez par l'effort juste et la concentration juste. Si vous avez réussi à développer l'effort juste et la concentration juste, Samavayama et Samasamadhi, vous verrez apparaître la compréhension juste. Vous allez comprendre l'élément air. Vous comprendrez que l'élément air, c'est la matière, que la conscience de ce mouvement, de l'élément air, c'est l'esprit. Vous faites ainsi la différence entre l'esprit et la matière. Vous comprendrez également les causes et les effets. Vous comprendrez les trois caractéristiques des phénomènes. Dès que votre attention sera active, vous comprendrez. Ce sont les connaissances vipassana qui vont se développer de plus en plus. Et lorsqu'elles seront menées à accomplissement, vous pourrez réaliser l'illumination. Nous allons conclure cet enseignement sur le Dhamma par la récitation des quatre nobles vérités en pali et en français. Dukkha Satcha, la vérité de la souffrance. Samudaya Satcha, la vérité de l'origine de la souffrance. Nirodha Satcha, la vérité de la cessation de la souffrance. Magga Satcha, la vérité de la pratique qui mène à la cessation de la souffrance. Sadhu. Sadhu. Sadhu.